passa já em cima da vida difícil. Après-midi à tous et bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques qui se chantent, qui se dansent et qui font voyager. Nous sommes déjà le 4 mars et que, oui, le temps passe très très vite. Et cette semaine, ce 8 mars, ce sera comme chaque année la journée internationale du droit des femmes. Alors, on va pas parler du droit des femmes aujourd'hui, mais simplement des femmes représentées dans les musiques traditionnelles, et elles ne sont pas si nombreuses que cela, et il n'y a pas vraiment de parité, et voilà, c'est toujours un petit peu difficile de trouver des groupes où les femmes sont représentées. Alors aujourd'hui, l'émission sera pratiquement 100% voix féminine, à part ce premier morceau qui était un morceau d'un groupe entièrement masculin, la formation Startigène, c'était un rond de l'Oudéac qui s'appelait Strack à Parc. Et voici tout de suite The Urban Folk Quartet, un quartet où il y a une fille. Et cette fille, Paloma Trigas, eh bien, c'est la voix du groupe. Alors je vous propose de les retrouver avec un titre déjà un petit peu ancien. Ça s'appelle Rosinha's Story. Voici la formation The Urban Folk Quartet. frutos darás. Noche tibia, manto de azar, dulce calma, danos la paz. Traditionnel sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, chaque mercredi de 18h à 19h. C'est Violette en votre compagnie et aujourd'hui, à l'occasion du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, eh bien, les femmes sont à l'honneur dans cette émission, pas forcément des textes revendicatifs, mais l'occasion d'écouter des voix féminines un peu plus nombreuses qu'à l'habitude. À l'instant, c'était la Sherman Ascaroni, ce sont deux sœurs d'origine italienne dont les parents ont immigré en Argentine. Elles sont nées en Argentine et actuellement elles sont revenues sur le vieux continent pour nous proposer leur musique et c'est un extrait de leur dernier album. Ça s'appelait Tempo de Agua. Voici la formation Chetnuneta maintenant et un chant séfarade. Les chants séfarades, ça remonte plutôt au Moyen-Âge ou à la Renaissance, à une époque où des populations ont été chassées de chez eux, et pour garder le lien avec leur pays d'origine, eh bien, ils ont les musiques et les chansons ont perduré. Voici El Aguadero, la formation Chet Nuneta. Decía el aguadero, arrima hermana. Decía el aguadero, arrima hermana. Ahí está la fuente del agua clara, la onza de la gracia. Como la venderé, ya como la venderé. Decía la novia chiquita, decía el aguadero, novia chiquita, ahí está la fuente del agua viva, la onza de la gracia, como la venderé, ya como la venderé. No la vendo por onza ni por cuarto. La formation Chet Nuneta, une formation de polyphonie et de percussion, formation française, et apparemment toujours en activité, puisque sur leur agenda, il y a déjà deux dates prévues pour cette année 2026. C'était le titre El Aguadero. On poursuit avec un titre en gaélique. Voilà, cette fois-ci, je ne le dirai pas. Je ne suis pas du tout qualifiée pour prononcer le gaélique. Un titre qui nous est proposé par un duo, le duo McIvers-Saunière, avec Joan McIvers, qui est d'origine écossaise, et Christophe Saunière, qui est bien de chez nous. Et voilà, on retrouve ce duo avec donc un titre en gaélique. And the storm is near, we will give you shelter surely. Not to fear, we have food to spare, though our barley's there poorly. It's cold tonight, but the warm firelight will make the evening cheery. Oh, Ida, Odo, oh, Ida, Odo, Odo, Odo. We'll bank the fire, for the frost is dire, and my wish is sleep aplenty. I the comforts rude, but your welcome's good, though we do not live like gentry. You get the call for the burning snow, will it stop you like a sentry? Oh, heed a followed orders keenly. The rat were fried, they were some that night that made their exit finally. Oh, heed a poro, oh, heed a poro. With greatest care, though the feet prepare, they gain the hidden valley. No time to spare, they could not prepare, with their dead too great to tally. Oh, utter grief and beyond belief, guests can turn and rally. Oh, heed a hoodoo, oh, heed a hoodoo. Oh, heed a hoodoo, oh, heed a hoodoo. Hey, chan, hey, chan, hey, chan, caracal, hey, chan, hey, chan. On garde la harpe, mais avec un autre harpiste, avec la formation Gillies, une formation tourangelle. Et si vous allez faire un petit tour du côté de leur agenda, il y a plusieurs occasions d'aller les voir, mais il faut aller en Indre-et-Loire au cours de ce mois de mars. Ils nous interprètent de la musique irlandaise ou d'inspiration irlandaise. Et on les retrouvera du côté d'Olivet, ce sera au mois de juin. Il y a des concerts concerts qui sont offerts par la médiathèque d'Olivet et le samedi après-midi. Et au mois de juin, il y aura la formation Gilis. Voilà peut-être une date à retenir pour aller les écouter en live. Voici la formation Gilis et le titre Rocky Road. She left the curse of one newly broken hearted, saluted father too. Kissed me, darling mother, drink a pint to feel me grief and tear. To smother that off to rip the cord, leave where I always void. Cut a stone like 30 banished ghosts and goblins to bring you pair of rocks. Rattling all the bunks, frightening all the dogs on the rocky road. To Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hut the hair and turn her down the rocky road. All the way to Dublin, rock for lonely rock. So weary, started by the light, my spirit's bright. And every took a drop of the pure, keep me high from sinking. That's the baddest cure. Whenever he's on for drinking, to hear the last smile, laughing on the line. And me curious now, what's it your heart? You're bubbling, I still find my side. Which is every point to love, I'm nearly tied on the rocky road. To Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hand the hair and turn it on the rocky road. All the way to Dublin, work for the holy rock. I know I'm hardy when I jumped aboard a cabin found for Buddy. Down among the pigs, did some hoity rigs, play some hoity jigs to watch a bunny bubbling when I fully had. Wish myself was dead, a bit of thorn instead on the rocky road. To Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hut the hair and turn her down the rocky road. All the way to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hut the hair and turn her down the rocky road. All the way to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hut the hair and turn her down the rocky road. All the way to Dublin, 1, 2, 3, 4. Après ce petit tour par les pays celtiques, partons du côté de l'Amérique en passant par la Bretagne. La formation Kaolila est une formation bretonne. Elle chante les femmes sur son album et je vous propose un titre qui parle d'une femme engagée qui s'est beaucoup battue dans sa vie, qui a reçu à ce titre le prix Nobel de la paix, je crois. Il s'agit de Jane Addams, voici la formation Kaolila. Addams, comme un trou qui mène à ses mains, où est son maître d'Idam. Pesa na hasse in America. Make it on out in America. Voilà, ça vous aura peut-être rappelé une certaine comédie musicale, certaines notes de ce titre de la formation Kaolila. On reste du côté de la Bretagne avec le duo Talek Nogué, Rosane Talek et Yannick Nogué à l'accordéon pour accompagner la voix de Rosane. Voici un titre en breton. Je n'ai pas non plus le certificat de bonne prononciation du breton, Finazo Danose, voilà, c'est un essai. Et voici donc le duo Talek Nogué. Finazo Danose, le tout standard, des bonnes malguerres, guitare de l'assemblée. Ah, malade d'un galimante, colonne de vide. Toutes mes roulas gants, deux ailes me frôlent, des bédabés, au guinardant, au dabé, au guinardant. Deux ailes me frôlent, des bédabés, au guinardant, au dabé, au guinardant. Mais au bout d'un yard, deux ailes me frôlent, et prenez-moi dans mes membres, y'a goût de raïsté. Le membre est bénédine de raïsté, sous une jolie retraite, l'arzène sans rayon. Un autre ménage pour les pinceaux qui ne relient pas d'environ, ne relient pas de hasard virin. Pour les pinceaux qui ne relient pas d'environ, ne relient pas de hasard virin. Sans des commandants, on est là, les guerbines, drasés des gazisons, j'y entre les ménages. Mis au bout du vent, on veut la firmer, prédit qu'elle veut mer, et vite, coûte qu'on est là. Thank you. traditionnelle sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. Je crois que je l'ai pas si mal dit que ça, ce titre en breton. Le prochain est proposé par un breton, mais le morceau sera en français avec un titre français. Étienne Chouzier, qui a sorti fin 2025 un EP de 4 titres. Il s'accompagne pour ce morceau de Manaïk Le Guével. Voici le titre « Galant, tu perds ton temps ». Qu'est-ce qui frappe à ma porte? Entre 11h et minuit, entre 11h et Voilà un morceau que vous pouvez trouver en cherchant sur internet. Étienne Chouzier, le titre Galant, tu perds ton temps. On poursuit avec un grand classique, Marie-Jeanne Gabriel, un titre de Louis Capard, avec ici la reprise de Cécile Corbel. Aimez cette version, ne la cherchez pas dans les albums de Cécile Corbel. C'est un titre qu'on retrouve sur un album de reprises de chansons bretonnes qui s'appelle La Bretagne est mon pays. Voici, après cette petite valse, une Scottish interprétée par la formation Trois Pas d'ici. Voici le titre, Celle que j'aime. J'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'a

je m'embarquerai pas. Quelques idées de sortie avant la fin de l'émission avec ce week-end, vendredi 6 et samedi 7, bal de nuit, bal au pluriel et 2 avec le chiffre 2, puisqu'il y a 2 soirées qui vous sont proposées. C'est du côté de Vierzon, c'est proposé par Bal des Beaux et il y a bien entendu une très très belle programmation, Groove Factory, Cagnard, Caméléo, Blosabella, Fun et voilà, plein de choses à découvrir donc du côté de Vierzon. On poursuit avec toujours ce samedi 7, vendredi 6, oui, un petit bal à 20h45 à la salle Chantalou à Marcilly en Villette avec l'association Guerluchon. Il y a également ce samedi 7 mars, du côté de Saint-Thi, une animation avec à 17h des concerts de l'Harmonie de Saint-Thi, de la Quévraine d'Orléans et la formation Whiskey and the Jar. C'est pour à l'occasion de la Saint-Patrick. Pas mal de choses hors département et le dimanche 8 à Montpré-Chambord dans le Loir-et-Cher, bal folk à 14h30 avec Acadio et Lane Rappé. Vendredi 13, atelier de danse trad de 20h30 à 22h à la Maison des Provinces, c'est à Orléans. Dimanche 15 à Marcilly-en-Villette, un bal de 15h à 18h à la petite salle des fêtes, route d'Orléans avec les Manque-Padère et Guerluchon. On va écouter beaucoup de musique irlandaise dans les prochaines semaines. La Saint-Patrick, c'est bien entendu le 17 mars. Et le 17 mars à Orléans, il y aura session irlandaise à 19h30 au Dropkick, place du Châtelet. Allez, on termine le 21 mars à Chanteau, un petit bal pour enfants et familles avec un bal trad également en soirée avec Au Gré des Vents. Ma voix, la formation Bal Barbare, une formation qui n'existe plus, mais qu'on a toujours plaisir à réentendre, et ça s'appelle Jour d'orage. Si vous écoutez un petit peu les informations, si vous ouvrez votre télé, votre poste de radio, hors émission traditionnelle, bien entendu, ça ne vous aura pas échappé. Les temps sont très incertains en ce moment. Tout le monde veut un petit peu avoir la main sur tout. Et voilà, ça provoque beaucoup de guerres et beaucoup de choses qui font du mal au monde, à notre planète et à notre morale et à plein de gens aussi. Et pour se quitter aujourd'hui, ben, j'ai été chercher un vieux titre de Gloria Estefan, un titre que j'ai beaucoup diffusé dans les débuts de l'émission. Il date des années 90 et ça dit tout simplement « Hablemos el mismo idioma ». Parlons le même langage. Peut-être que si on parlait tous le même langage, eh bien les choses iraient un petit peu mieux. C'était traditionnel. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Parlons le même langage. Hablemos el mismo idioma. Voici Gloria Estefan. Hablemos el mismo idioma, que solo unidos se logrará. nuclear, nesse contexto que não haja dúvidas que Portugal tem, objetivamente, uma relação muito